chaud et que le blé. Qui voudra plus que le blé? Du blé, mon pote. Si jamais tu sais comment faire, pote. Si jamais t'as la barre à ta beurre et que tu sais pas ce que t'en es. Si jamais tu sais, mon pote, qu'il faudra bientôt s'endetter pour aider récolter. Si jamais tu te rends compte, mon pote, que pour faire pousser. Faut pas qu'on oublie.